tu fais la chambre, le trottoir, le quartier, pendant 2 ans passés pour toujours. Quand j'avais 10 ans, ma sœur est tombée malade d'une gastro-entérite. Outrée par son agonie, ses médecins nous envoyèrent chez ma marraine, qui nous annonça le lendemain matin que Christina était décédée. Le firmament tombait, le soleil pâlissait, l'air se décomposait. L'âge ne diminue pas l'intensité des sentiments, l'autre est amour. Toi et moi, grappes fragiles qui ont fleuri dans les fissures d'une ville sinistre, des marchands et des danseurs. Dans ton teint livide, l'affection interne comme un crépuscule sans nuage. Du bois pour les murs, les montagnes, de la matière éternelle, le sentiment. Ton départ inattendu et mon départ, où es-tu allé? Tes câlins, tes réponses, ils reviennent toujours. Où petite sœur, mon amie, pourquoi es-tu venue, Christina? L'univers va-t-il souffrir? Les forêts, les villes étaient-elles à nous? Mes larmes coulent encore sur tes joues. Tu as aimé, es-tu né alors? Es-tu parti? La vie arrive et l'amour, lui, est éternel. Au-delà, ton innocence remet à l'eau. À propos des rires gris et des nuits secres, dans des paquebots en carton, on traverse la mer sur un radeau aussi vaste que la mer des Caraïbes. Les oiseaux jaunes croissent sous un ciel bleu, terre adoucie par les fruits tombés. Mes bras étaient étreignés de sable, colonnes auxquelles tu t'accroches. Entendre des rumeurs, voix, ogres et gorgones, mirages sur l'eau. Dans ton immense vie et mon enfance, pas dans les jours noirs séparés, ni dans les condamnations, ni dans les bagarres de rue, pas même dans les exécutions publiques, loin de là. Le visage que je découvre devant le miroir m'est étranger. J'ai perdu le mien à matin de mars, à la périphérie d'une banlieue. Son firmament saison l'attend encore, raillé et apaisé sur les traces de Gethsemane. Avec ce sang dans ce sable, je retrouve ton affection sur d'autres visages. Nos voix te le rappelleront, Christina. Sans ton agonie, je n'aurais jamais compris l'incommensurable d'un amour, ni les vastes prairies de l'éternel.